C'est mis en 2010 et le terrain a été fait à peu près il y a une dizaine d'années. Donc entre 2001 et 2005, où je vivais en Martinique. Bon, entre-temps, les choses ont certainement un peu bougé. Donc il y a eu la grève de 2009, il y a eu des consultations populaires de 2010. Donc, personnellement, j'ai beaucoup suivi la consultation de 2003. Donc toute la phase avant, où je fais pas mal d'entretiens. Et il y a aussi la nouvelle collectivité territoriale qui se prépare. Il y a eu des changements à la région. Voilà, donc, mais je pense qu'au fond, même si cette thèse n'est pas la plus récente, en effet, au fond, les choses n'ont pas tellement évolué dans les représentations des personnes. Voilà, donc je vais d'abord présenter un peu le contexte et la problématique, et ensuite quelques thématiques de cette thèse. Bon, j'ai choisi délibérément de faire une sorte de résumé, normalement un survol de à peu près tous les éléments que j'ai abordés. Voilà, donc je ne vais pas insister sur un point ou l'autre, donc il y a certainement des détails qui vont manquer, mais bon, si ça vous intéresse davantage, je vous renvoie à ma thèse. Puis on discutera aussi après. Vous aurez le temps de poser des questions, etc. Alors, donc la Martinique, c'est un département d'outre-mer. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le contexte parce que je vous connaissais bien. Je pensais que c'était au visioconférence, donc là, j'aurais plus insisté. C'était surtout dans l'objectif, la départementalisation, c'était surtout dans l'objectif d'avoir l'égalité donc avec la métropole. Ensuite, ça n'a pas été effectif. Donc, il y a eu un certain désenchantement de la part par exemple, Aimé Césaire, qui était un des instigateurs de la loi de départementalisation. Et donc, il y a eu, au cours des années 60 et 70, l'émergence des mouvements nationalistes. Donc, d'abord, les mouvements autonomistes et ensuite indépendantistes. Et ces mouvements, ils ont effectué un travail remarquable de conscientisation culturelle identitaire. Donc en même temps, une émancipation politique par la voie de l'indépendance semble aujourd'hui pour une majorité de Martiniquais plutôt utopique, voire dangereuse. Et de ce constat émergent les questions centrales de ma réflexion sur le positionnement des Martiniquais par rapport à la problématique nationale. Donc la question est, existe-t-il donc au sein de la population une conscience nationale, donc par rapport à l'idée de nation? J'attends une minute. Hein. Oui. Il y en a deux là. Donc voilà, les questions principales que je me suis posées, c'est, alors, s'il existe donc, au sein de la population une conscience nationale, donc par rapport à l'idée d'une nation martiniquaise, alors si oui, comment elle s'exprime, et quelles sont les tensions sociales qui se manifestent à ce propos, et enfin, comment se donne à connaître l'articulation ou non entre l'identité politique et l'identité culturelle. Alors, je pars de l'hypothèse que les notions de nation et de conscience nationale ne sont pas nécessairement liées à un projet d'indépendance, donc à la création d'un État-nation. Donc en réalité, le fondement du concept de nation est d'abord culturel, avant d'être politique, et parfois il n'est pas politique du tout. Donc selon Max Weber, l'appartenance à la nation requiert la communalisation, c'est-à-dire l'apparition d'un sentiment subjectif d'appartenance à une communauté nationale partageant la même identité, autrement dit, la conscience nationale. Alors, par conséquent, la conscience nationale et la nation peuvent exister en dehors de la revendication d'une indépendance politique et donc en dehors du nationalisme, donc qui lui peut être défini, donc là je cite Ernest Gellner, dans cette tension pour établir une congruence entre la culture et la société politique dans l'effort pour que la culture soit dotée d'un et d'un seul toit politique. Donc à mon sens, il faut interroger le lien dialectique entre le culturel et le politique. Et là, je m'appuie en particulier sur la notion évoquée par Jürgen Habermas de double codage de la nation, donc selon laquelle il existe d'un côté la nation des compatriotes et de l'autre la nation des citoyens. Donc ça implique la dissolution du lien sémantique entre citoyenneté et identité nationale. Donc, ce qui signifie en clair qu'une prétendue identité culturelle ne correspond pas nécessairement à une identité politique. Donc, alors cela dit, il est vrai que la notion de nation martiniquaise est loin de faire l'unanimité dans la population, donc, contrairement à des notions comme pays, peuple. Donc là, c'est vrai que tout le monde est plutôt d'accord sur cette notion-là. La notion de nation, elle est employée presque que par des nationalistes, en fait, par les mouvements indépendantistes. Mais, bon, il faut se poser la question de savoir si une société doit obligatoirement se nommer nation pour en être une. Et en Martinique, donc la nation est évoquée, donc ce que je dis est affirmé presque exclusivement par les nationalistes, mais elle est sous-jacente à un niveau beaucoup plus large. Donc ce que je vais essayer de vous démontrer donc à partir de quelques éléments de ma thèse. Alors juste quelques mots sur la méthodologie, donc sur l'enquête de terrain. Donc mon objectif c'était d'étudier la conscience nationale au fil des événements, donc principalement politique, mais aussi culturelle. Donc l'époque choisie, c'était donc entre 2001, donc on va dire 2002, jusqu'à 2005. Donc c'était une époque assez riche en événements politiques, qui était inédite à propos de la question du statut. Donc d'abord, il y a eu le congrès des élus départementaux et régionaux en février et mars 2002. Il y a eu aussi la consultation populaire du 7 décembre 2003. Alors, donc je me situe dans une démarche essentiellement qualitative, j'insiste là-dessus, donc je ne prétends pas à une représentativité. J'ai fait surtout des entretiens semi-directifs. Donc ça, c'était vraiment ça constitue le corps du corpus. Donc j'ai fait 63 entretiens semi-directifs et approfondis. Donc avec un échantillon relativement diversifié. J'ai fait aussi plusieurs entretiens collectifs, donc entre 2 et 5 personnes. Et ça, pour moi, c'était intéressant parce que les entretiens collectifs, ça amène une interaction entre les personnes donc, interrogées, donc, qui fait ressortir parfois des éléments qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu avec une seule personne en entretien. Alors, à côté des entretiens, il y a eu donc, l'observation participante. Et cette observation au quotidien a été facilitée par le fait que j'étais durablement installée en Martinique, donc j'y vivais pendant 3 ans et demi. Et j'ai aussi été dans les réunions politiques où j'ai observé. Et j'ai fait quelques entretiens avec des responsables politiques, surtout des indépendantistes. Et par ailleurs, j'ai constitué un recueil de données à partir des médias locaux, donc notamment France Antilles, l'hebdomadaire Antilla, les radios et la télévision locale. Alors j'ai notamment épluché le courrier des lecteurs du France Antilles, j'ai enregistré pas mal d'émissions interactives de radio. Voilà, et puis enfin il y a eu des discussions informelles, donc qui étaient aussi très importantes, parce que parfois, bon, quand c'est moins officiel, entre guillemets, il n'y a pas le magnétophone, tout ça, ça apporte pas mal de choses aussi. Voilà, alors, juste un mot pour finir sur la méthodologie. Donc, pour moi, c'était un atout pour être... Enfin, mon statut d'étrangère, parce qu'en fait, je suis pas française, je suis allemande, c'était plutôt un atout pour cette enquête. C'est un sujet politique complexe et délicat. Donc, ça m'a donné un statut plutôt neutre, voire parfois exotique. Enfin, je n'ai pas subi le poids de l'histoire coloniale. Donc, c'était plutôt bénéfique pour moi. Alors, je vais venir donc, à quelques thématiques de ma thèse. Donc, en premier lieu, j'ai dû définir, pour construire l'objet d'étude, ce que je nomme des indicateurs de la conscience nationale, donc qui se situent dans le champ de la culture et qui se prolongent aussi dans les représentations de l'histoire. Donc j'ai essayé de démontrer à travers ces indicateurs les tensions qui se profilent entre nationalisme et conscience nationale, c'est-à-dire entre les motivations politiques des nationalistes et la nation telle qu'elle est vécue par la population. Donc, il y a d'abord le rapport à la langue créole, donc sous l'angle de la promotion réussie de cette langue par les mouvements nationalistes et de l'utilisation politique qui est attachée. Alors, le créole constitue pour les Martiniquais donc un élément fondamental et puissant de leur identité culturelle, donc ça, toute couche sociale confondue. Et c'est un élément qui se rapporte à un vécu collectif, donc un peuple, un pays, bref, à une conscience nationale, même si la plupart des personnes que j'ai pu voir ne parlent pas de nation martiniquaise, justement. Donc, en revanche, on peut observer un décalage entre deux niveaux de perception du créole. Donc, il y a d'abord une perception intellectuelle et militante, une perception populaire. Donc, ce décalage se manifeste notamment lorsqu'on aborde le sujet de l'enseignement du créole à l'école, donc qui est l'un des principaux objectifs du militant de la langue créole. Donc, parmi mes informateurs, certains y voient même une stratégie politique de domination qui vise à creuser le fossé entre l'élite et le reste de la population. Et là, je vais citer un extrait d'entretien. Donc, j'en cite pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont assez révélateurs. Alors, ça, c'est donc un homme de 52 ans qui est propriétaire d'un café-restaurant au Marin. Il avait 52 ans à l'époque quand j'ai fait les entretiens. Donc, je n'ai rien contre l'enseignement du créole à l'école, mais par exemple, contrairement à la langue corse ou à la langue bretonne, le créole est parlé par tous les Martiniquais. Alors, c'est intéressant effectivement qu'on puisse amener les jeunes Antillais à pouvoir l'écrire, à la maîtriser d'une autre façon. Mais je ne veux pas qu'on fasse un argument politique de cela. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que le créole va permettre à nos jeunes têtes de s'assumer ailleurs et en dehors du contexte martiniquais? Parce que la Martinique est petite, elle est déjà surpeuplée. Donc demain, au même titre qu'il y a, comme ils disent, un blanc qui vient s'installer ici avec des qualifications et des qualités, il se pourrait qu'un jeune Antillais ait envie de s'installer à Pétaouchnok avec des qualités et non pas parce qu'il parle créole. Alors je pense qu'il faut savoir donner des priorités aux choses. Politiquement et économiquement, cela ne servira pas forcément à grand-chose. Quand on regarde dans les Antilles déjà, la Caraïbe, à la Barbade, le créole, on ne connaît pas. En Jamaïque, je crois qu'il y a deux villes où l'on parle créole, et encore, à Sainte-Lucie, les créoles, on comprend à peu près. En Dominique, c'est déjà un peu moins, donc il faut savoir ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de mimétisme. Honnêtement, il y a une priorité à donner, c'est-à-dire promouvoir la facilité des enfants à apprendre des langues étrangères. Pourquoi ne pas donner cette priorité-là? Entre autres, En Martinique, tout le monde parle créole. Le professeur n'a qu'à parler créole. Alors, il y a trois dimensions, en fait, donc là, voilà, fin de l'extrait. Il y a trois dimensions distinctes dans la question de l'enseignement lié à la langue et aux cultures créoles. Donc, premièrement, donc, l'enseignement du créole à l'école est perçu par certains comme une initiative nationaliste déconnectée de la réalité sociale, donc inutile, voire dangereuse. Deuxièmement, donc, quant à l'enseignement en créole, certains informateurs y voient une possibilité tout à fait bénéfique, d'autres une véritable nécessité, donc étant donné le bilinguisme,